Bonjour. Bonjour, voici Pélo. Pélo. S'en aller dans son jean. Je vous dis pas tout ce que j'imagine. Tout ce que j'imagine. Une fille comme elle peut tout porter. Elle peut pas te dégoûter. Même un pyjama en pilou-pilou. Oh, oh, oh. Sur elle, j'appelle ça du goût. Du goût. Ouais. Quand elle vient me voir dans sa jupe courte, j'ai envie de l'embrasser coûte que coûte. La première fois que je l'ai vue avec sa veste en cuir, je me suis dit là tu vas souffrir. Une fille comme elle peut tout porter. Tout porter. Elle peut pas te dégoûter. Un pyjama en pilou-pilou. Oh, oh, oh. Sur elle, j'appelle ça du goût. Du goût. Du goût. Du goût. Du goût. J'ai mal au doigt et on va boire le vin. Non, il n'y a plus la bière. On va boire la bière. Non, on va boire le vin. Bonne soirée. Salut. Salut. Salut.